Conte de fées en français. La sagesse et la chance. Il était une fois, lors d'une agréable après-midi d'été, l'ange de la sagesse, qui s'appelait Sage, était assis dans un parc et lisait le grand livre du savoir. Soudain, apparut devant lui l'ange de la chance, qui s'appelait Chanceuse. Salut mon ami, que fais-tu de beau ? Je remplis juste mon océan de savoir et de sagesse avec plus de... tu sais, de savoir. Waouh, ça a l'air très très ennuyeux. Eh bien, ce qui semble ennuyeux pour certains est divertissant pour d'autres. Dans ce vaste univers de temps et d'espace, les êtres sont... Ok, je t'arrête tout de suite. Voici une mission. Le grand patron veut qu'on s'en charge. Une mission ? Oui. Allez, viens avec moi, je t'expliquerai tout en chemin. Sage acquiesça et Chanceuse claqua des doigts. En un instant, les deux disparurent. Waouh, cet endroit a l'air net. Oui, ça a l'air impec. Ça a l'air quoi? Eh bien... Bon, peu importe. As-tu compris tout ce que je t'ai dit en chemin? Oui. La princesse Elena n'a plus dit un mot depuis 3 ans. Et nous devons la faire reparler. Exactement. Tiens, la voilà qui arrive. Cache-toi. Pas besoin de nous cacher. Elle ne peut pas nous voir. Ah, je le savais, c'était une blague. La princesse Elena passa devant eux, suivie de ses servantes. Sage fut hypnotisée. Oui, elle est très belle. Maintenant, concentre-toi, parce qu'elle n'est que la première partie de ta mission. Oh, il y a une autre partie? Chanceuse cligna des yeux et claqua des doigts. Et les deux disparurent à nouveau. En un instant, ils reparurent à l'extérieur d'une petite maison où un jeune homme était en train d'arroser ses plantes. Il s'appelle Heureux, mais malheureusement, il ne l'est pas. Ah oui? Nous devons l'utiliser pour faire parler la princesse grâce à lui et aussi nous devrons ensuite les marier. C'est ça la mission? Oui! Mais pourquoi? Pourquoi le patron voudrait faire tout ça? Enfin, je veux dire, il n'y a pas de logique. Destinée? Tu veux dire le destin? Non, je veux dire destinée, l'ange. L'ange de la destinée. Oh! Qu'a-t-elle fait? Eh bien, un jour, après avoir écrit le destin d'Heureux, elle a décidé de faire une sieste. Mais elle ne s'est pas rendue compte que son petit hamster s'était pointé et avait mangé la page d'écriture. Et que le destin d'Heureux s'est alors perdu pour toujours. Mais quel rapport y a-t-il avec Selena? Eh bien, de l'autre côté de la feuille, c'est le destin de Selena qui était écrit. Oh! Oui! Et c'est pour ça qu'ils sont tous les deux misérables dans leur vie respective. Destinée n'a aucune idée de ce qui doit être fait. Et comme tu le sais, chaque être vivant de notre univers n'a le droit qu'à une seule page de ce livre. Donc, maintenant que leurs pages sont perdues, le grand patron vient s'en occuper. Il veut lier leur vie à tous les deux pour lui donner une direction et par là même sceller leur destin. Bingo! Alors, quel est le plan? Dans l'après-midi, quand Heureux ira au marché pour vendre ses fleurs, tu pourras entrer dans sa tête, puis te rendre directement au palais du roi. Si les gardes tentent de t'arrêter, eh bien, tu sais quoi faire. Comment osez-vous m'empêcher d'entrer dans le palais? J'ai avec moi les fleurs bénies qui poussent près de la rivière Anna. Ces fleurs rendront la parole à la princesse. Et après avoir convaincu les gardes, tu t'annonceras directement à la cour du roi. Là où il sera occupé avec ses ministres. Bonjour, ô votre majesté de ce grand royaume du Montana. Je viens me présenter à vous en apportant le pouvoir de refaire parler la princesse avec l'aide de ses fleurs. Oh? Vraiment? Tu saurais faire ça? Oui, votre majesté. Ne me donne pas de faux espoirs, l'étranger. Depuis que sa mère est morte, ma fille n'a pas été capable de prononcer un seul mot. Apparemment, c'est un choc émotionnel qui l'a rendue incapable de parler. Comment les fleurs vont-elles réussir à faire ce que les plus grands hommes et femmes de ce royaume n'ont pas su faire? Donnez-moi une chance. Je ne vous décevrai pas. Et si tu ne réussis pas? Et c'est là que le jeu commence. Tes mains sont fortes. Tout se passa comme Sage et Chanceuse l'avaient prévu, et Heureux se retrouva finalement à l'intérieur du palais. Votre Majesté, vous pourrez me punir de toutes les façons possibles si je ne réussis pas. Mais si je réussis, je voudrais demander la main de la princesse et l'épouser. Il va sans dire si elle veut aussi de moi, bien sûr. Le roi réfléchit un instant et approuva. Les gardes emmenèrent Heureux jusqu'à la chambre de la princesse où elle était assise à la fenêtre avec son chien sur les genoux. Merci, messieurs. Si ça ne vous dérange pas d'attendre dehors, ça ne prendra pas longtemps. Les gardes acquiescèrent et quittèrent la pièce. La princesse Helena regarda Heureux mais ne dit pas un mot. Alors son chien se mit à aboyer. Heureux marcha alors jusqu'à la princesse et la salua. Si ça ne te dérange pas, je peux ? La princesse lui passa son chien. Oh, tu es adorable! J'ai fait tout le chemin depuis Farja pour te rencontrer, oh chien magique! En entendant cela, la princesse fut confuse. Je m'appelle Heureux et le grand saint des noms m'a dit que tu pourrais me renseigner sur mon destin. S'il te plaît, oh dis-moi tout, chien magique. Dis-moi ce qu'il va m'arriver. Avec qui vais-je me marier? Combien d'enfants vais-je avoir? S'il te plaît, dis-le-moi, s'il te plaît. À ces mots, les lèvres de Helena tremblèrent et soudain elle laissa éclater son ennui. Arrête ça! Il ne peut pas parler, c'est un chien! Mais toi tu peux! Alors les yeux de la princesse s'embuèrent de larmes quand elle réalisa qu'elle avait enfin prononcé ses premiers mots depuis des années. La princesse a réussi à parler! Hurrah! La nouvelle que la princesse avait parlé arriva immédiatement aux oreilles du roi. Il était plus que ravi. Mon enfant a parlé! Il faut que je la voie tout de suite! Quand le roi arriva dans la chambre de la princesse, il trouva Heureux et la princesse en train de rigoler, de ricaner et de bavarder. Vraiment? Et ensuite? Cela mit le roi en colère, car il se souvint de la condition posée par Heureux. Or, le roi n'autoriserait jamais que quelqu'un de la classe sociale d'Heureux puisse épouser sa fille. Alors, il imagina tout de suite un plan dans sa tête et quitta les lieux. Plus tard, ce jour-là, quand Heureux retourna à la cour pour aller parler au roi, il fut arrêté par les gardes. Mais que se passe-t-il? Je sais que tu as fait parler ma fille. Mais il est hors de question que je te laisse l'épouser. Hors de question. Mais vous m'avez donné votre parole. La parole d'un roi n'a-t-elle donc aucune valeur? Comment oses-tu parler au roi de la sorte? Garde, emmenez ce mal élevé et mettez-le derrière les barreaux. Quoi? Non! Alors, venue de nulle part, Chanceuse apparut. Je t'ai manqué? Ok, ce serait le bon moment que tu fasses un truc utile et que tu prennes ma place. Chanceuse cligna des yeux et en un instant, les deux échangèrent de place. Sage arriva aussi et dit... Bonne chance. Merci. Maintenant, regarde un peu. Les gardes furent intrigués. Qui parle-t-il? À ce moment-là, la princesse Helena arriva par l'autre côté en courant. Papa, il y a... Mais que se passe-t-il? Pourquoi les gardes ont arrêté Heureux, papa? L'entendant ainsi, le roi laissa échapper des larmes de ses yeux. J'ai attendu des années pour que tu me parles à nouveau. Viens ici, mon bébé. Fais un câlin à ton papa. La princesse Helena alla vers son père pour lui faire un câlin. Mais enfin, papa, pourquoi Heureux est-il? Le roi expliqua à Helena la condition qu'Heureux avait posée. Je sais que je lui ai donné ma parole, mais c'est un homme du peuple et... Mais papa, je l'aime bien. Je ne sais pas pour un mariage, mais j'aimerais au moins apprendre à le connaître. À ces mots, Heureux sourit. Ah bon? Vraiment? Libère-le, papa. Sinon tes sujets diront du mal de toi. Ils raconteront comment tu n'as pas tenu parole. Ils ne te respecteront plus. Le roi acquiesça. Tu as raison. Mais tu l'aimes vraiment? Oui, papa. Helena se retourna vers Heureux et lui dit « Je t'aime bien, Heureux. Essayons de nous connaître un peu mieux. » Heureux approuva et Helena sourit. « Très bien. Garde, libérez-le. Et toi, monsieur Heureux, je ne sais pas ce que tu prévois, Mais j'aime très fort ma fille. Travaille dur pour pouvoir lui offrir une bonne vie. Compris? Oui, votre majesté. Et ainsi, Heureux eut enfin un but dans la vie et la princesse Helena une bonne raison de vivre. Lorsqu'Heureux rentra chez lui, il était si heureux qu'il décida de faire une sieste. C'est à ce moment-là que Chanceuse apparut. Bon, il faut qu'on le reprogramme pour qu'il ne se souvienne ni de toi, ni de moi, et qu'il pense que tout cela vient de lui-même. Tu as raison! Ils pointèrent leurs doigts sur Heureux et des étincelles magiques vinrent se poser sur son front. Et voilà, fini! Allons dire au patron qu'on a terminé notre mission. Oui, allons-y! Et au fait, super travail d'équipe! On a prouvé que la sagesse et la chance pouvaient aller de pair. Sage sourit et claqua des doigts, et les deux disparurent. Bonjour, patron! La mission est terminée! Le vieux monsieur ouvrit ses yeux et dit « C'est bien, c'est bien. Vous avez bien travaillé. » « Merci, patron. Je pense qu'on devrait en informer Destinée. » « Oui, oui, faites donc ça. » En disant cela, le vieil homme referma les yeux. Ils arrivèrent à la maison de Destinée. « Ah, salut les gars! Qu'est-ce qui vous emmène ?» Les deux expliquèrent tout à Destinée, qui fut agréablement surprise que ce problème soit enfin résolu. « Oh, merci mille fois! J'ai été tellement étourdie de laisser ce problème arriver! Oh, ne t'en fais pas, Destinée! Tout va bien maintenant! Mais hé, où est donc ton cher petit hamster? Il est sûrement là quelque part! Ah, ça y est, le voilà! Viens ici, petit monstre! Il est trop chou, j'aimerais trop! » Et ainsi, le destin de Helena et Heureux fut scellé. On ne sait pas si finalement ils se sont mariés et ont vécu heureux pour toujours, mais on sait que l'univers avait enfin refait un plan pour eux.